cette photo de couverture, du coup, c'est photo noir et blanc d'un homme seul, d'un autonome, comme on l'appelle, seul face à. Face éclairée par un camion à eau. Et sur les côtés, il y a toute une rangée, tout un rang de CRS, de maths, comme on dit, CRS grec. Ça, c'est un type seul. C'est pour ça que j'ai intitulé, comme des fois on nous demande de mettre des titres, Seul contre tous. C'est une photo de nuit. Ce que j'aime bien dire aussi, c'est que c'est une photo en contre-jour de nuit. Où il ne se détache que sa silhouette. Voilà. Voilà pourquoi j'ai choisi cette photo en clair-obscur, comme on dit, parce qu'elle est assez significative dans mon travail. Un, c'est une manif en Grèce, à Athènes, un 6 décembre. Deux, c'est un mec qui est tout seul alors que derrière, il y en a. Ils sont pas mal avec les molotovs prêts à balancer. Donc c'était vraiment la seconde où le type se retrouve tout seul. Le sol est reluisant parce que canon à eau venait de fonctionner. Et à ce côté de. On pourrait croire que le sujet principal est au centre, alors que non, en fait, il fait partie de tout cet ensemble. Il n'est pas éclairé de. Il n'est pas éclairé, il est. Je ne sais pas comment on peut dire ça, quoi. Il est en plein contre-jour. Photosensible. Podcast d'aventures humaines et photographiques. Découvrez ceux qui se cachent derrière l'objectif. Ben Hardcore. Ce nom vous dit peut-être quelque chose. Ben est un photographe engagé qui se sert de la photographie pour montrer, dénoncer, militer. Pas une de ses images ne nous laisse insensibles. Nous allons découvrir son univers et son parcours au travers d'un épisode en deux parties. Ses débuts, du CAP photographie à Paris jusqu'à Toulouse où il est venu poser ses valises il y a déjà presque 15 ans, et de ses envies d'ailleurs. Qui le mèneront jusqu'en Italie, en Allemagne ou en Grèce. Ben pose un regard critique sur le monde et la société avec ses photographies, et s'il est plus simple pour nous de fermer les yeux de temps en temps, son travail nous rappelle à quel point il est important de ne pas rester aveugle et sourd aux maux de la société. C'est avec un regard dur mais sensible qu'il nous propose de réfléchir au monde qui nous entoure, et rien que pour ça, son travail vaut le coup d'œil. Comme beaucoup de photographes, j'ai moi-même eu un père photographe qui a petit a essayé de m'initier à la photo, au tirage noir et blanc, à la photo prise de vue, et c'est pas du tout quelque chose qui m'a intéressé, auquel je me suis pris en fait. Mais alors pas du tout. Voilà, ça m'est passé. Ça m'est passé au-dessus de la tête. Comme j'étais assez mauvais, on va dire, à l'école, dans ma scolarité assez chaotique, il fallait m'orienter vers une voie professionnelle. Je me suis dit, tiens, comme je dessinais plutôt pas mal, je vais faire dans le graphisme. À Paris. Je m'étais inscrit à des grandes écoles de graphisme et de design. Ça l'a pas fait. Ça l'a pas fait essentiellement dû à ma médiocrité en anglais, qui m'est passé, mais l'anglais m'est passé au-dessus, comme la photo quand j'étais jeune. Ça et les maths. Donc ça l'a pas fait du tout. Troisième option qu'avait été demandée, c'était CAP photo. Donc j'étais en CAP photo, j'ai été accepté et j'ai fait un CAP photo, lycée Kino, de 2000 à 2002. Deux ans pour de la photo, c'est en fait, c'était un survol, quoi. C'était un survol de technique. Technique importante, quoi, c'est important, mais c'était vraiment touche à tout. Et on a vu la prise de vue argentique, la prise de vue à la chambre, un petit peu, hein, vraiment de loin, la prise de vue numérique, parce que c'était vraiment pas quelque chose de très développé non plus. Et qu'on était tous à l'argentique, de toute façon. Et ensuite, le numérique, la retouche manuelle, beaucoup plus de retouches limite manuelles que numériques. On a vu, tirage couleur, tirage noir et blanc. Donc voilà, beaucoup de survol de tout et de technique. De ça, j'en ai gardé vraiment le tirage noir et blanc. Ça, c'est quelque chose de génial. Pour ça, j'ai continué beaucoup de photos noir et blanc. Et ça, et l'infographie, la retouche numérique. À peu près à cette même période de fin de scolarité, de CAP, j'ai commencé à me poser la question, qu'est-ce que j'allais faire de ma vie. Quelque chose qui me faisait flipper, tout simplement, c'était de finir, on va dire, comme ce qu'on m'avait toujours dit, c'est-à-dire, clodo, quoi. Si t'es pas bon, si t'as pas une bonne scolarité, bah tu feras rien, tu gagneras. Personne ne voudra de toi, tu ne gagneras pas ta vie et tu finiras à la rue. Et donc, ceci faisant écho tout au long de ma scolarité, qui commençait à arriver sur la fin, la dernière année, et je me suis penché un peu sur ce sujet, du coup, les personnes, les clodos, les SDF, quoi, les personnes à la rue. Et ça a été mes premiers portraits, mes premiers entretiens. J'ai encore les photos de tirage, les entretiens plus du tout, comme c'était sur disquette, et ça s'est perdu. Mais voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours tenu, et depuis le début du coup de l'apprentissage de la photo, depuis le début de ma photo jusqu'à aujourd'hui, où j'en reviens encore aujourd'hui à ça. C'était fort. L'autre chose qui fait l'autre photo formatrice, on va dire, c'est la quantité de photos, surtout beaucoup plus en argentique. C'était l'état qui s'amoncelle quand tu pars avec 3-4 pellicules et là tu vois, tu jettes, à chier, et puis là en fait tu dis, mais je fais des photos de merde déjà, et tu te dis. Prochain reportage, prochaine manif, comme c'était surtout ça à ce moment-là, je pars avec une pellicule, je pars une, deux maxi au cas où, et puis voilà, quoi. Et là tu cadres, t'arrêtes de shooter comme un con et tu cadres. Et ça c'était assez formateur. Après le CAP, du coup je n'avais aucune... pas trop d'expérience, j'étais formé techniquement, mais il fallait y aller, quoi. Il fallait aller sur le terrain, dans ce que j'aimais, dans ce que j'avais vu. Comme le CAP, ça sert à ça aussi, à voir ce que font les autres. On nous avait pas mal ouvert l'esprit critique à ça, à aller voir des expos, aller voir le travail d'autres photographes, et du coup, bah, c'était à moi d'y aller. Et celui qui m'avait plu, c'était évidemment l'emblématique Robert Capa, et du coup j'avais envie d'aller faire de la photo de guerre. Je dis, allez, je prends mon appareil, je vais faire la guerre, quoi. Et sauf que la guerre à Paris, c'est les manifs pour l'instant, et qui a été extrêmement formateur dans le fait que j'avais envie de prendre en photo les gens. Sauf que t'as pas envie, quoi, quand tu sors de l'école, t'as pas envie d'aller foutre devant les gens et de les prendre en photo, tu sais pas comment les aborder. Et donc vraiment, ça, les événements festifs et les manifestations, ça a été la meilleure école pour aller. Parce que les gens sont là pour se montrer, les gens sont là pour faire passer un message, et puis c'est à toi d'être là pour capter le truc. Et puis discuter, rigoler, comprendre un peu de quoi il s'agit, et donc ça, c'était très formateur. Mais la côté de ça, mais à côté de ça, il fallait travailler. Donc j'étais photograveur, c'est-à-dire que je retouchais des photos dans une petite boîte d'ornements funéraires. Donc il fallait mettre la personne, lui mettre changer un costume, enlever le fond, remettre, lui enlever les lunettes s'il avait des lunettes, voilà. Et quand le patron partait en retraite et refilait la boîte à son fils, qui était un sacré con, j'ai dit je me casse de cette boîte. Le manif m'épuisant un peu, au bout de... c'était en 2006 que je suis parti, du coup, pendant 4 ans de manif, 4 ans de ça, j'en ai eu un peu marre. Un peu fatigué aussi de voir tout le monde. Moi, j'étais encore à l'argentique. C'était ça, pour moi, la photo, c'était... je connaissais pas d'autre chose, à part la chambre. Mais en manif, c'est un peu compliqué. Et c'était pas non plus la photo de studio, c'était pas du tout mon truc, donc... Donc j'étais aussi fatigué de voir tous ces gens qui étaient là avec leurs petits appareils numériques en plastique qui ne valaient rien. Et en train d'essayer de raconter ce moment que je pensais moment unique et que j'allais raconter une histoire de cette lutte. Et voilà quoi, c'est tout le monde. Ce qu'on voit aujourd'hui qui s'est beaucoup développé avec les lives, avec les machins, bref. Donc j'ai trouvé ça un peu pollué, ces petits moments de lutte, et je me suis barré, quoi. J'avais de la famille à Toulouse qui a pu m'accueillir, donc je me suis dit, allez, je connais pas Toulouse, je vais à Toulouse. Dans la plaine rase, sous la nuit sans étoiles, d'une obscurité et d'une épaisseur d'encre, un homme suivait seul la grande route de Marchienne à Montsou, 10 kilomètres de pavés coupant tout droit, à travers les champs de betteraves. Devant lui, il ne voyait même pas le sol noir, et il n'avait la sensation de l'immense horizon plat que par le souffle du vent de mars, des rafales larges comme sur une mer, glacées d'avoir balayé des lieux de marée et de terre nue. Aucune ombre d'arbres ne tachait le ciel. Le pavé se déroulait avec la rectitude d'une jetée au milieu de l'embrun aveuglant des ténèbres. L'homme était parti de Marchienne vers 2 heures. Il marchait d'un pas allongé, grelottant sous le coton aminci de sa veste et de son pantalon de velours. Un petit paquet, noué dans un mouchoir à carreaux, le gênait beaucoup, et il le serrait contre ses flancs, tantôt d'un coude, tantôt de l'autre, pour glisser au fond de ses poches les 2 mains à la fois, des mains gourdes que les lanières du vent d'Est faisaient saigner. Une seule idée occupait sa tête vide d'ouvrier sans travail et sans gîte. L'espoir que le froid serait moins vif après le lever du jour. Depuis 1 heure, il avançait ainsi, lorsque sur la gauche, à 2 kilomètres de Montsou, il aperçut des feux rouges, 3 brasiers brûlant au plein air et comme suspendus. D'abord, il hésita, pris de crainte, puis il ne put résister au besoin douloureux de se chauffer un instant les mains. Zola, Germinal. De là, je me suis dit, tiens, s'il y a moins de monde, vas-y, quoi. C'était à la période du CPE, donc j'ai essayé de faire j'ai couvert une manif ou deux du CPE, et ça n'a pas pris. J'ai pas continué la photo à Toulouse, et je me suis éloigné un peu de la photo. J'ai côtoyé des gens, des milieux, j'ai côtoyé notamment on va dire la galère et le milieu électro, le milieu de la teuf, et que je n'ai pas couvert, que je n'ai pas mis en image, et parce que c'était pas du tout mon truc de prendre en photo ce que je vivais, quoi. Voilà, mon mode de vie n'était pas quelque chose que je... Aujourd'hui, je regrette un peu quand on voit quand on voit le peu de choses qui sont sorties sur ça, quand on voit, je me dis que j'aurais pu aussi en faire, que j'aurais pu documenter ce milieu, et non. Donc, puis quand je me suis, en 2010, quand j'ai commencé à un peu m'éloigner, à reprendre un peu mes ailes et à, voilà, parce que des fois, il faut quelques années, au bout d'un moment, ça s'essouffle, donc je repars dans une autre direction, toujours à Toulouse. Et de là, je me suis dit, je vais faire quelque chose, arrêter un peu les petits boulots, la manutention, l'usine, décharger les camions, machin, c'est la plonge. Voilà, c'est un peu, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Donc là, j'ai fait une formation dans l'animation, pendant un an. Et c'était animateur tout public. Et dans tout public, c'est vraiment tout public. Et donc je suis parti, pas avec les gamins, pas avec les vieux, je suis parti dans l'animation sociale, et avec les personnes en précarité, avec les personnes... j'ai fait des séjours de vacances avec des gens de les Roms de Ginestou, avec les OGAF aussi, qui est connu à Toulouse, qui est un accueil de jour de personnes sans domicile. J'ai fait d'autres, toujours dans ce contexte-là. Du coup, pour la continuité, je n'arrivais pas à documenter ma vie. Du coup, je me dis, je vais documenter ce qui nous entoure. Et en parallèle de ça, comme j'étais déjà un peu formé avec les manifs sur la question, une certaine question sociale de lutte, en parallèle, j'ai appris qu'il y avait manifestation de l'extrême droite à Toulouse. J'avais l'info, j'avais l'info en tout cas. Donc paf, j'y vais. Ça se tenait à Prairie des Filtres, c'était en 2010, ouais. Prairie des Filtres, au moment où le bloc identitaire commençait à apparaître, quoi. Avec leur apéro saucisson pinard, et là ils avaient un truc de merde là, qui se montait à Toulouse et qui voulait faire aussi son apéro républicain. Et du coup, il y avait une contre auquel je me suis pointé. Et voilà, j'ai commencé à faire des photos de ces événements. Et de fil en aiguille, j'ai attaqué la photo, on va dire, purement militante, dans le sens où je vais rentrer dans une organisation pour témoigner, on va dire, de ce qui se passe, quoi. De la montée de l'extrême droite, en tout cas en France. Ça, j'ai fait ça pendant quelques années, aller couvrir des manifs, à Toulouse d'abord, ensuite à Lyon, à Bordeaux, à Paris, toujours les mouvements d'extrême droite et les mouvements d'extrême gauche, quoi. Et à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de photographes sur le terrain. Et les années passent, voilà, jusqu'en 2013, il y avait le Manif pour tous, donc là, pareil, j'étais pas mal là-dessus. Et c'est vrai que les manifs en France, c'était un peu, commençait un peu, pareil, à fatiguer, et donc je me suis dit un jour, j'aimerais bien aller voir comment ça se passe ailleurs. On était en septembre 2014. Je regarde c'est quoi les prochaines manifs en Europe. Et la prochaine, c'était à Athènes pour la commémoration des 40 ans de la fin de la dictature des colonels. Et c'est quand? C'est la semaine prochaine. Ok, je prends un billet d'avion pour la semaine prochaine. Donnez-moi la vie que j'aime, le long de ma route un ruisseau. Donnez-moi le ciel joyeux et le chemin de traverse. Dormir sous le buisson, regarder les étoiles, tremper son pain dans la rivière. Telle est la vie qui me convient, toujours et à jamais. Que s'abattent les coups qui me sont destinés, advienne ce qui devra. Mais donnez-moi la face de la terre et la route qui m'attend. Richesse, espoir, amour, n'importe, ni un ami qui me connaisse. J'ai pour seul désir le ciel, là-haut, et la route qui s'en va. ou que l'automne me prenne par les champs où je m'attarde, faisant taire l'oiseau dans l'arbre, mordant mes doigts bleuis. Le champ couvert de givre est blanc comme farine, l'âtre offre un tiède abri. Je ne veux céder à l'automne, ni même à l'hiver. Que s'abattent les coups qui me sont destinés, advienne ce qui devra. Mais donnez-moi la face de la terre et la route qui m'attend. Richesse, espoir, amour, n'importe, ni un ami qui me connaisse. J'ai pour seul désir le ciel là-haut et la route qui s'en va. Robert Louis Stevenson, Le Vagabond. J'arrive là-bas, je débarque là-bas à Athènes. C'était quasiment la première fois où j'avais pris l'avion. Et j'avais pris une fois, mais quand j'étais petit, et je m'en souvenais pas. Et là, voilà, tout le voyage, c'est ça, quoi. C'est waouh, l'avion, waouh, j'arrive, waouh, je suis à Athènes. Où est-ce que je vais? Et je discute toujours avec mon super anglais de l'époque où je n'ai pas du tout travaillé. Mais dans l'avion, je discute, je me rends compte qu'en fait, je ne connais pas la ville, je ne sais pas où je vais arriver. Donc je discute avec le type à côté de moi et on baragouine l'anglais. D'accord. Il est albanais, il va pas vraiment à Athènes, lui, il est dans un autre coin. Mais il me propose de me déposer en voiture parce qu'on vient le chercher, donc il me propose de me déposer en ville. Ok. Je monte avec ces deux Albanais dans une voiture assez férave et on me dépose en plein cœur d'Athènes, quoi. Je descends de la bagnole. Je vois des toxicos en train de fumer du crack. Je vois des gens comme ça, à droite, à gauche, en train de dormir. Je dis, où est-ce que je suis, quoi? Je me dis, où est-ce que je suis? Et puis en même temps, génial, quoi. C'est cette beauté que je retrouve. Voilà, quoi. Cette beauté d'humain complètement, on va dire, désarticulé et de société complètement pourrie, quoi. Et là, je marche dans la rue, je sais vite trouver un endroit pour savoir où dormir, comme je n'ai aucun contact et je ne sais pas du tout où je vais dormir, et on est dans l'après-midi. Je trouve un petit hôtel, voilà. Et puis, j'y reste une semaine, parce que c'est aussi quelque chose que je me suis dit, quoi. Tu vas pas dans un événement, mais tu vas... T'es pas à Toulouse ou à Paris, quoi. Tu vas vraiment découvrir ce lieu. Et donc, je me suis pris la semaine pour une semaine ou 10 jours pour découvrir la ville, découvrir les rues, découvrir les gens, découvrir tout ce côté historique qu'est Athènes. Et prendre des contacts. Le jour de la manif, par où ils vont passer, comment ça va se passer, comment. Vraiment un truc. Essayer de faire, on va dire, le premier reportage. Vraiment, pour essayer de documenter au mieux. Et là. Ça n'a pas été qu'une manif, ça a été découvert déjà, reportage sur la ville. Reportage sur... Il y a une semaine de festivités pour commémorer la fin de la dictature. Donc rencontrer différents groupes, parler avec différentes personnes. Il faut dire qu'à Athènes, en Grèce, mais à Athènes particulièrement, comme c'est le seul coin de la Grèce que je connais, je ne parlais que d'Athènes, les gens sont extrêmement ouverts, extrêmement... bienveillants, même s'ils ne te comprennent pas, ils vont essayer, ils vont te parler, ils vont... Voilà, donc ça, c'est quelque chose d'assez agréable aussi. Et la manif de la fin de la dictature arrive, et là, c'était impressionnant, quoi. Nuit dans le quartier d'Exarchia, le quartier étudiant à Nard, quoi. Des pluies de cocktails Molotov, quoi. Waouh, j'ai dit, waouh, voilà une manif, quoi. Voilà pourquoi je suis venu. Des pavés qui voulaient, des molotovs, les flics qui allaient à coups de... qui débarquaient en moto, qui fracassaient les gens et qui se barraient, qui... Voilà, c'était des... Tout d'un coup, la place était complètement envahie de lacrymo. Mais envahie, imagine le capital, mais plus petit, mais envahi complètement sous les lacrymos. Et là, tout d'un coup, plus personne, alors qu'il n'y a que des bâtiments autour. Tu te retrouves tout seul, tu te dis, ils sont où les gens, quoi? Ben, les gens, ils étaient rentrés juste dans les immeubles, et, parce que les gens, le quartier soutient ces mouvements. Et ouais, quand je suis revenu, ça a été une sacrée claque de se retrouver comme ça, quoi. Et en train de faire tes petites courses, en train de... Et tu te dis, mais en fait, voilà, le pays, enfin, ce quartier, cette ville est magnifique, accueillante, j'y retourne, quoi. Et j'y suis retourné 3-4 fois, pareil, pour les manifs, déjà, parce que c'est pas mal, ça bouge pas mal. Je suis allé à celle du 22 mars, qui était pour la journée mondiale contre le racisme. Je me suis dit, ouais, ça va péter. Et non, c'était très plan-plan, parce que c'était appelé par des groupes de gauche. Et donc, ouais, ça, c'était sympa. Mais j'ai revu des contacts que je m'étais fait une première fois. Les gens ne me connaissaient pas. Ils me disent, c'est qui lui? On ne connaît pas, on ne sait pas ce qu'il fait. Et là, j'ai pu présenter... On s'était gardé contact avec Facebook et tout ça, donc j'ai pu leur présenter en amont mon travail de ce que j'avais fait de la Grèce, et là c'était assez bien accueilli, et donc c'était surtout de, mis à part cette petite manif sympathique, cette petite marche, c'était redécouvrir donc des groupes, des personnes qui m'ont fait découvrir encore la ville, et voilà, moi la ville je la découvre en me perdant, en marchant, juste voilà, avec l'appareil, et, au détour d'une rue, tu vois des trucs. 2014, j'y retourne, mais je vois au fur et à mesure, des fois, la ville qui change. Plus tous ces toxicos dans la rue, mais on m'explique qu'ils ont été chassés, qu'ils sont attrapés, envoyés ailleurs, machin. Plus... certaines choses quoi, qui commencent à changer. Et puis la dernière fois que je suis allé, c'était en 2018, décembre 2018, et là, j'ai vu sacré changement. Dans la ville, quoi, tout ce qui était en désolation après la crise de 2008, tout commençait à changer, à bouger, on peut se dire génial, quoi. Génial, ça y est, ils arrivent à sortir un peu de la crasse dans laquelle ils étaient. Et en fait, non, c'est tout ce qui se passe, ouais, c'est comme ce qu'on a pu voir ailleurs, quoi. Une gentrification. Et tu vois, on est en train de te dire que ce quartier, là, d'Exarchia, c'est en train d'être racheté par des promoteurs. Ici, à tel endroit, il va avoir une sortie de métro, à tel endroit, des petits magasins bien mignons, et ça sera plus pour la population qui est là, quoi. Clairement, qui vit, qui fait vivre ce quartier, ou qui tente de... qui est un lieu de... On va dire, on parle toujours d'Exarchia comme un lieu de bastion, de... Mais il n'y a pas que ce quartier, il y en a plein d'autres. Moins connus, qui se gardent, mais voilà, qui... Il y a pas mal d'autres quartiers aussi qui vivent comme ça. J'entame une valse avec le bitume, par coutume, par habitude. Révolté par le réel, par les pensées, les attitudes. Enclin à la lassitude, j'ai préféré le combat. Faut se révéler, se répéter, référer les coups bas. Faut se réveiller avant que la seule issue soit sous les décombres. Les gorges au champ, le sol viendront annoncer le décompte. On se décompose petit à petit par la tête. Sors pas le costume de soirée car le temps n'est pas à la fête. C'est le prix, le poids de la paresse, non plutôt celui de l'égoïsme. Là-bas des enfants soldats, ici ce sont des choristes. Que Dieu vienne et puis me corrige. Perso, j'ai jamais croisé, ni que les croisades, les croisières, les croix celtiques, les croix de fer. Et je crois que c'est la tolérance qui nous attire vers le vide. Je vais mettre un pied devant l'autre, mais la télé me fait perdre le rythme. On ne veut pas de terre de riche, ici on prône le partage. Mais ça reste utopique quand des cailloux affrontent des calaches. On danse sur les pavés, avant qu'ils se mettent à voler, braver. Les interdits c'est nécessaire, on le fera sans se poser de questions, sans se poser aux raisons qui nous livrent, vu qu'on se comprend sans se causer. C'est un appel aux indignés, on peine à oublier les résistants de tout temps, ceux qui n'ont jamais plié. On y est, 2015, on est laissé la Crimée, libérez-vous. trop crier, c'est le bal des insurgés. Rentre pour la danse, je t'arrête de suite, on fait pas de pénitence, sans plus de conscience. En état de fuite face aux circonstances, on crache sur vos valeurs et lâche les casseurs. Sur leur système oppressé, mené par des balleurs, je maudis tous leurs chiens en képi qui prennent les miens à partie. Je rêve de temps, j'humaine et je vois les poulets rôtir. Sans foi ni loi, on mène notre gars contre leur super jour, leur crise insiste et toute leur stratégie qu'ils banalisent. Esprit vandale, ramène ton pochoir qu'on baisse. Le mieux, la rue nous appartient, aucune censure dans nos peintures. Frère d'infortune, on traîne en bande jusqu'au bleu azur. École de la propagande, sort toute leur devanture. Révolte de quartier aux prolétaires immigrés. On jette le premier pavé, embrasé par les préjugés. Bafoué tout à l'oreille clinique et le système. Tout à l'oreille de brûler, ce qu'ils aiment tous pareil. Bienvenue au bal des insurgés. On danse sur les pavés avant qu'ils se mettent à voler, braver. Les interdits, c'est nécessaire, on le fera sans se poser de questions, sans se poser aux raisons qui nous livrent, vu qu'on se comprend sans se causer. C'est un appel aux indignés, on peine à oublier les résistants de tout temps, ceux qui n'ont jamais plié. On y est, 2015, sans mêler, laisser la Crimée. Libérez vous criez, c'est le bal des insurgés. Après Athènes, j'avais le goût de partir sur des voyages et de découvrir des manifs. Et, donc je suis allé en Allemagne, à Berlin. Côté militant, j'étais vraiment très bien accueilli et très bien mobilisé. Après, la ville en elle-même, c'était moins... Voilà, les gens étaient moins... Je ne me suis pas attardé sur Berlin, sur l'Allemagne. Je suis allé en Italie pour couvrir, pareil qu'en Allemagne, des manifs d'extrême droite, des manifs contre l'extrême droite. Je suis allé à Francfort aussi, après, contre l'ouverture de la Banque Centrale Européenne en 2015. Et voilà, tout ça. Il y avait quand même un certain... point commun à ce que je voyais là-bas, que ce soit en Allemagne, que ce soit à Athènes, que ce soit à Milan, en Italie, c'était des trucs qui n'avaient pas forcément visibles en France, ou pas de cette façon-là. C'était des petits camps de réfugiés, de migrants, de sans-papiers, on appelle comme on veut, mais c'était des groupes de personnes qui se rassemblaient en plein centre-ville, alors que d'habitude ils se cachent et pour pas se faire choper. Là, ils se montraient et ils disaient voilà, on est là, on travaille là et on nous promet de ci ou ça. Et comme ils avaient un statut peut-être particulier aussi qui faisait qu'ils pouvaient pas, ou ils étaient en recours, être expulsés, ils se montraient. La première fois, c'était justement à Berlin où j'avais vu ça. Et je me dis, waouh, chapeau, quoi, les gars, bien, quoi. Et ensuite, en Grèce, pareil. Ensuite, en Italie. Et tout ça, c'est en revenant en France, et bien, on a commencé aussi à en parler. Et puis là, je me suis dit, ah, il se passe quelque chose quand même. Et toutes ces visions, ça s'est fait sur plusieurs années. Et puis... je contacte quelqu'un qui allait sur Sivens. Je lui dis, ah, tiens, c'était une voiture, on va sur Sivens. Et cette personne me dit, ah, non, cette semaine, je vais sur Calais. Je lui dis, bah écoute, moi, comme je suis toujours partant comme ça, je lui dis, bah écoute, allez, on y va. Trois jours après, on est en partance pour Calais. Avant, il me dit, ah, mais avant, je dois aller dans un squat de mineurs isolés à Nantes. Bah allez, on y va, on part une semaine sur squat de mineurs isolés à Nantes. Donc, elle était en contact avec ces gens-là, donc voilà, je suis assez bien intégré aussi. On reste une semaine dans ce squat, donc je refais les photos, reportages. Et... ensuite, on va sur Paris, ensuite, pareil, une semaine. À ce moment-là, c'était une école qui était squattée. Et de là, on rencontre quelqu'un qui me dit, un jeune égyptien qui dit Là, j'ai besoin de, j'ai, il faut que je retourne sur Calais. Parfait, ben on y va justement. Allez, hop, on t'emmène. Et de là, il nous a ouvert, il nous a présenté à d'autres personnes. Et de là, voilà, on est resté une semaine aussi sur Calais, dans les tentes. Et de là, bah, on s'est dit, ah mais attends, il y a l'histoire de l'ouverture des frontières, de la fermeture des frontières plutôt. On va aller voir ça en Europe de l'Est. On est parti, billes en tête, en bagnole toujours. Et voilà, ça a mis 2 mois tout ce périple pour revenir par l'Italie. Et là-bas, on n'a pas vu grand-chose en Europe de l'Est puisqu'on n'était pas accrédité, photographe, journaliste, presse, donc pas de contact, on est juste parti comme ça. Et passage par l'Italie, on voit ces réfugiés, ces migrants qui sont là en train d'essayer de passer la frontière. Et on reste un peu, on fait le tour, mais on était vraiment au bout de 2 mois, on était fatigué, on s'est dit allez, on rentre quoi, on rentre au plus vite. Parce qu'on est allé jusqu'à. Aller bien loin quand même. Et on se dit ben on repartira quoi le mois d'après. On est reparti sur Calais. Le mois d'après encore. Ça c'était le premier, c'était je sais plus exactement septembre, octobre, novembre. Donc on s'est fait octobre, novembre, décembre, janvier sur Calais. À chaque fois, moi j'y allais, on y allait une semaine, 10 jours. Quoi. Et j'ai pu suivre donc leur passage, leur périple, leur passage, leur histoire. Voir aussi l'évolution avec les actualités. C'est-à-dire, on entendait, oui, Cazeneuve, je crois, disait ça y est, on va fermer la frontière à Calais, ça y est, on va mettre les moyens. On l'a vu. De suite. Tu t'approchais plus comme tu t'approchais des camions, tu t'approchais plus, t'es contrôlé dans la rue, t'es... Parce que les premières fois que je suis allé, je me rendais pas compte de ce qui se passait, de la chance que j'avais à ce moment-là, de suivre les gars. Je partais tout seul la nuit et je suivais les gars en train de monter dans les camions. Et un, il me dit, tu vois, non, je suis là, je me dis, je monte ou je monte pas, quoi. Je monte dans le camion, bah, allez, j'y vais, quoi. La porte est ouverte, elle va se refermer. Et le seul truc qui m'a retenu, c'est que je me dis, bah, en fait, c'est la première fois que je suis en train d'assister à ça, j'ai les photos. J'ai envie de sauver ces photos. Je me fais choper, évidemment, qui vont pas les se permettre de. Voilà, sans carte de presse, sans rien, t'es qui, allez hop, merci, au revoir. Et. Donc, j'y suis pas allé, mais les fois d'après, bah. Ça s'est durci et là je me suis dit merde quoi. Je me suis rendu compte de la chance que j'avais à ce moment-là. Ensuite, ils sont allés de plus en plus loin. Ils sont allés jusqu'en. Ces réfugiés étaient allés jusqu'en Belgique pour essayer de passer. Donc, essayer de prendre le train. Donc je les ai suivis pour essayer de prendre. Voilà, après les camions sur les ferries, ça a été les camions sur l'autoroute, ça a été le. Donc ça a donné pas mal d'autres séries. Et voilà, l'évolution de la vie à Calais aussi. J'ai gardé, un truc que je fais, c'est je prends pas mal de photos. Je prends contact aussi avec les gens pour garder un lien et savoir ce qu'ils sont devenus après, savoir... Donc des fois je recevais, ça y est, Londres, ou ça y est, Angleterre, passé, ou tu vois, c'est... Et puis ensuite, ben, contact Facebook et savoir, et je vois encore aujourd'hui où est-ce qu'ils sont. Quoi. Il y en a beaucoup qui sont repartis d'où ils venaient, c'est-à-dire d'Allemagne ou d'Italie, qui ont fait leur vie là-bas, qui sont mariés, qui travaillent, qui font, donc voilà. Les aventures de Ben ne s'arrêtent pas ici. Après ce tour d'Europe et son travail sur Calais, il a voulu continuer à travailler sur les migrants. Continue à suivre l'évolution de la situation en Grèce. Toujours avec son regard aiguisé, il dénonce le sort de ces femmes et de ces hommes qui, dans des conditions d'accueil déplorables, cherchent un peu d'humanité. De ces manifestants qui tentent de se battre pour leurs droits et leurs conditions de vie. Ce sera d'ailleurs le sujet de la prochaine partie, où Ben a encore beaucoup à nous raconter. Vous pourrez retrouver tous les liens et références de ce podcast dans le texte de description qui l'accompagne.